Faucon Millenial vous est présenté par... Oh, Dieu, venta folie, et l'ouléo primoc. Quand le charme rencontre la légende. Découvrez le nouveau single Chicken in the Pot. Jésus dans mon gong, danser dans mon gong. Oh, Dieu, venta folie, et l'ouléo primoc. Album disponible maintenant. Ah. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast 100% fait à la main. Enfin, sauf quand on utilise une imprimante 3D. Je suis Grushkov, et comme d'habitude, je serai accompagné de mes chers membres d'équipage, Tuki. Salut. Xeminut. Hello. Et Matt. Salut. Mais ce n'est pas tout, car nous avons une invitée aujourd'hui, Funeli. Bonsoir, Funeli. Salut. Salut, salut. Qui vient nous parler du sujet du jour, le monde merveilleux des cosplays. Youpi. Ouais. Parce que tu fais toi-même du cosplay, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'en fais même un peu trop, en fait. Oh! C'est possible, ça? Ouais, c'est possible. Quand t'as plus assez de place chez toi. Ah. Elle va au travail et tout. C'est quand tu vas chercher le pain en Stormtrooper, ça commence à déconner légèrement. Et d'ailleurs, Matt, toi qui as voulu faire le conducteur de l'émission, est-ce que tu veux bien nous lire un petit peu ce magnifique copier-coller que tu as fait sur ce qu'est le cosplay? Non, je vais le résumer, ce sera encore mieux, hein, mais le cosplay, simplement, c'est né a priori à la fin des années 70 aux États-Unis. Le terme cosplay, c'est simplement la contraction de costume et de play. C'est un terme inventé par un japonais qui s'appelle Takahashi. Ça veut dire, il n'y a pas beaucoup de synonymes, d'homonymes, hein, ça va être simple pour le retrouver. Mais simplement, ça désigne en fait l'ensemble des actions qui visent à jouer un personnage en imitant à la fois son apparence, mais aussi son comportement. C'est là que ça fait un petit peu la différence avec simplement voilà, porter un costume pour Halloween, par exemple. Et ça a été popularisé surtout avec l'arrivée des grosses épopées, grosses sagas un peu science-fiction, Star Wars et Star Trek par exemple. Et Shrek dans tout ça? Alors Shrek, ça arrivait bien après, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se déguisent en Shrek. Peut-être intérieurement, peut-être. Moi, je suis très Shrek à l'intérieur, je pense, mais le vert, ça me va pas trop bien. Très bien, très bien. Et du coup, ça fait combien de temps que toi tu fais du cosplay, Funeli? Quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé je crois que j'ai commencé à fabriquer mon premier costume, genre quand j'étais au lycée, mais c'était plus genre des costumes placard. Genre tu récupères des bouts de vêtements que tu as à droite et à gauche pour essayer de faire un personnage. Après, le moment où je dirais que j'ai vraiment commencé, c'est plutôt vers 2014, quand j'ai commencé en fait à faire ma première armure mandalorienne. Donc là, c'était vraiment les débuts. D'accord. Ça fait bien 6 ans, du coup, ça a 7 ans Ouais, c'est à peu près ça. C'est plutôt 5 ans, mais je pense que là, on approche bientôt des 6 ans, ouais. Et comment t'es tombé dedans, en fait? Comment ça t'a pris, enfin... Est-ce que ça fait mal de tomber dedans? ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a pas mal de méthodes de fabrication qui peuvent faire un peu mal. Ce qui m'a fait tomber dedans, j'étais très très très fan de Star Wars depuis longtemps, très fan des Mandaloriens aussi, et j'ai croisé des Mandaloriens pendant une Japan Expo, et je me suis dit j'ai envie de faire exactement pareil qu'eux. Simplement. C'est cool. Et je l'ai fait. Il Et du coup, ça t'a pris du temps comment t'as le processus pour te lancer là-dedans après coup, genre, quand tu t'es dit j'ai envie de faire ça, comment ça s'est mis en place après derrière? Alors, j'ai commencé en allant chercher sur Internet pour des tutos d'armure mandalorienne et je suis tombée sur le forum des Mandalorian Mercs. Et comme par hasard, je suis tombée sur ceux que j'avais rencontrés à la Japan Expo. Et du coup, ça m'a déjà fait un bon point de départ pour commencer et me lancer. Et mon armure, la première version de ma première armure, on va dire que j'ai mis à peu près un an à la sortir. Mais il y a eu une version intermédiaire qui était vraiment très très moche. Et il y a eu beaucoup d'essais ratés et de casses entre temps. Et du coup, c'est en 2015 par là, 2016, dans ces eaux-là quoi. Ouais, en fait, quand j'ai fini la première version de ma première armure qui était portable et qui a été qui était validée par le club des Mandomerx, en gros, ça, c'était en mars 2015. Donc, tu disais que tu as dû... Donc, l'aspect association et tout, c'est pas juste faire... Enfin, tu peux pas faire ce que tu veux. Quand tu fais une armure, tu dois passer par... Enfin, l'association doit valider pour faire en sorte que le truc est cohérent avec l'image qu'ils veulent donner. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, ça a commencé avec la 501e, où en fait, c'est des clubs qui sont un petit peu, on va dire, surveillés et approuvés par Lucasfilm. Mmh. Et vu qu'on a un petit peu ça au-dessus de nous, on a des critères de qualité pour nos costumes, et donc il y a des équipes qui sont un petit peu chargées de regarder nos costumes sous toutes les coutures, pour dire « Ok, toi, t'es bon pour rentrer dans le club, et toi, pas encore, il faut que tu fasses ça, ça et ça pour que ton costume soit au niveau. Hmm. » Et les Mandalorian, ils sont justement, est-ce qu'ils sont assez importants pour que Lucasfilm ou les gens qui s'occupent de ce genre de trucs voilà, dans l'équipe originelle mettent leur nez dedans, ou c'est juste vous qui vous imposez à vous-même un code de qualité? Nous, on fait partie de ces clubs qui avons justement un petit peu cette validation par Lucasfilm. Mais sinon, tout ce qui est validation des costumes elles-mêmes, ça se fait en interne. Donc, les critères de qualité, en fait, on les a définis nous-mêmes. Mmh. Et ils sont imposés à travers tout le club. C'est autant des critères de qualité que de cohérence, en fait, aussi. Enfin, ouais, y a le côté... Aussi. Faut pas que le costume tombe en morceaux au bout de après l'avoir porté deux fois, pas que ça soit dangereux, je crois aussi pour la personne qui le porte surtout, mais il faut aussi que, enfin, ouais, histoire que ça reste cohérent avec l'univers aussi. Ouais, c'est ça. Surtout que nous, à la différence des autres clubs, on autorise des personnages beaucoup plus customisés. Du coup, on fait des Mandaloriens et la majorité des Mandaloriens dans le club sont des personnages inventés. Donc, avec des couleurs et des styles qui n'existaient pas avant dans Star Wars. Donc, le but, c'est vraiment qu'on ressemble tous à des Mandaloriens. Donc, on a des trucs du style, le casque doit avoir la visière en forme de T comme Boba Fett. Les plaques d'armure doivent avoir une certaine structure pour qu'on reconnaisse quand on le voit. Même si on n'a pas les mêmes couleurs, même si on n'a pas le même équipement que Boba Fett, on se dit, ok, ça, c'est un Mandalorien. Mais en même temps, ça vous laisse le champ d'action, enfin un certain champ d'action pour s'approprier la tenue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est très très cool parce qu'en fait, souvent, quand on voit un Mandalorien, enfin moi en tout cas, quand je vois un costume Mandalorien, la plupart du temps, je sais qui c'est en fait. Oui, parce que les gens doivent pas avoir 50 armures. Enfin, je veux dire, tu disais, c'est compliqué à faire, c'est cher et tout. Donc finalement, on identifie vite la personne avec l'armure qu'elle porte. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tellement de possibilités de personnalisation et que chacun le fait à sa manière. Parce que vu que c'est très personnalisable, il y a beaucoup plus de gens qui le fabriquent vraiment eux-mêmes de A à Z. Donc finalement, chaque armure est assez unique. Genre toi, par exemple, j'ai vu les photos de ce que tu avais posté. J'ai remarqué notamment sur la visière, sur l'espèce de barre horizontale, c'est pas vraiment une sorte de rectangle, c'est plutôt deux ovales un peu pointus. Est-ce que c'est un truc... c'est vrai que moi, je n'ai peut-être pas encore assez exploré l'univers étendu. Est-ce que c'est un truc qui se voit ailleurs ou c'est un truc que tu as décidé toi-même? C'est le premier truc qui m'a frappé quand j'ai vu l'image de la tienne. Ouais, en fait, moi, mon casque, c'est un casque beaucoup plus inspiré par celui de Sabine, plutôt que celui de Boba Fett, en fait. Donc, ça, c'est ces formes de visière avec des ovales. Ça a commencé dans The Clone Wars avec les Night Owls. Et ensuite, il y en Ah a eu oui. d'autres dans Rebels. Et genre, par exemple, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que tu as des exemples de... Je sais pas si toi, tu es dans le plus ou moins le comité de validation ou est-ce que tu sais s'il y a des critères qui sont vraiment chauds ou des trucs un petit peu... Les trucs qui sont vraiment compliqués pour avoir son... Enfin, parmi les critères, ceux qui sont les plus compliqués à réaliser pour avoir son truc, son armure Bah, validée. il y a tout sur le site des Mercs, Ouais, mais si tu veux aller vu que faire. Funnel est là, ça peut être intéressant d'avoir son interprétation du truc. Ouais, bah, pour moi, ce qu'il y a de plus difficile, c'est des choses aussi qui se travaillent dès le début du costume. C'est la taille des plaques d'armure par rapport aux proportions de la personne et le fait que l'espacement entre les plaques d'armure doit être régulier. Ah Par ouais. exemple, entre les plaques d'armure pour le buste, il faut qu'il y ait entre 5 mm et 2 cm d'espacement. Mais par exemple, s'il y a un endroit où il y a 5 mm et qu'il y a un autre endroit où il y a 2 cm, ben ce ne sera pas bon. Il faut que ce soit à peu près la même chose partout. Sinon, c'est moche, c'est ça? Ben, disons que sinon, ça donne un petit peu l'impression que les plaques ne tiennent pas bien, quoi. Donc, ça fait un petit peu, ça fait un peu négligé, quoi. Et toi, donc, tu fais partie de ça? T'as déjà eu à intervenir pour... ils t'ont demandé, alors, voilà, regarde ça, est-ce que c'est bon? Ouais, en fait, l'équipe chez les Mandalorian Mercs, en tout cas, on a une équipe d'une quarantaine de personnes qui est scindée en plusieurs petites équipes de, je dirais, 5 à 8 personnes, où on se répartit les candidatures des gens qui veulent rentrer dans le club. Et donc, moi, je fais partie d'une de ces équipes-là depuis, je dirais, un peu plus d'un an. Vous avez en général, vous avez combien de candidatures, genre, je sais pas moi, par an? Par an, ça c'est difficile à évaluer, surtout que ça augmente un petit peu chaque année, mais je dirais qu'en ce moment on est plutôt dans les peut-être quelque chose comme 200, 200 ou 300 par an. Ah oui, quand même. Ouais, mais pourtant dans le club on est 2000, enfin maintenant je crois qu'on est plutôt plus vers les 2500, sachant que le club a 10 ans, 10, 11 ans même. Et quand tu dis 200, c'est vraiment 200 de gens qui ont fait une armure et qui vous disent, OK, est-ce que je peux intégrer le club? Ou c'est des gens qui disent, bah, je suis intéressé, mais ils n'ont pas vraiment commencé à faire leur armure. C'est vraiment des candidatures complètes dans lesquelles il y a genre photos de face, de côté, de dos et tout. Ah oui, Mais quand même, après, il y a ouais. aussi des personnes qui font plusieurs armures. J'ai fait la première, j'ai dû passer par ce processus-là. Et quand j'ai fait la deuxième, j'ai dû y repasser pour valider la deuxième. Ah, OK, ouais. Mais c'est les armures, enfin, il y a un thème imposé dans ton club, genre les Mandaloriens, ou ils peuvent postuler avec n'importe quel cosplay? Nous, c'est uniquement les Mandaloriens. Ensuite, en fait, selon ce que tu fais, il y a plusieurs clubs. Il y a genre la 501e qui est plus spécialisée dans les méchants, genre les Stormtroopers, les Vador, les Sith, et ouais, de façon générale, les méchants. Tu as la OK. Rebelle Légion qui est pour les gentils. Et ensuite, tu as plusieurs autres clubs, genre les R2D2 Builders qui, eux, construisent des droïdes. T'as la Saber Guild qui est plus pour faire des démonstrations de sabre laser, et t'as The Dark Empire qui permet de faire des Sith et des contrebandiers et des chasseurs de primes personnalisés. C'est marrant, la 501e, je croyais que c'était vraiment plus les Stormtroopers, en fait, je savais pas qu'ils visaient tous les méchants. Ouais, en fait, ils ont plusieurs divisions. Donc, ils ont en proportion, ils ont beaucoup, beaucoup de Stormtroopers, d'officiers impériaux, de pilotes. Mais ils ont aussi voilà, des Sith, des Vador, des empereurs et tout ça. Ok. Y a un club d'Ewok? Alors je pense que si tu fais un niveau, que tu passes en Rebelle Légion. Merde, ouais, mais il n'y a pas de club dédié au truc. Bah, c'est pas grave. C'est ce qu'il reste à faire maintenant. Yes! Ouais, il n'y a plus qu'à. Yep. Le club, ça aide aussi ses membres, genre à acheter du matériel pour les cosplays et tout. C'est quoi les avantages en fait de faire partie d'un club plutôt que de faire du cosplay dans son coin? Alors, on... Quand on s'aide, en général, c'est plus de l'entraide, style on va se réunir tous à un endroit pour faire ce qu'on appelle des armor parties, pour s'aider à fabriquer les costumes. Si on décide de s'échanger du matériel, ce sera entre nous à nos frais. Mais le club lui-même, en fait, c'est plus, par exemple, quand on va sur des événements, au moins on a une structure derrière nous qui nous permet de nous exposer. Et aussi, ce qu'on fait, c'est récolter des fonds caritatifs. Du coup, ça, on le fait aussi au nom du club. Par exemple, on peut faire de l'animation sur des dons du sang, ou bien faire des mini-jeux ou des loteries ou des trucs comme ça pour récolter les fonds qu'on va reverser à une association. Ok. C'est sympa. C'est aussi les clubs comme ça qui négocient avec les cinémas quand il y a des événements, enfin des sorties de films, des choses comme ça. Ouais, en fait, soit c'est les cinémas qui viennent d'eux-mêmes pour nous contacter, soit en fait il y a certains cinémas qui ont carrément des contacts par email avec des représentants de Lucasfilm ou de Disney, et ces représentants de Lucasfilm ou de Disney, en période de sortie de film, ils nous envoient un mail avec une liste des cinémas qui aimeraient bien avoir des gens costumés pour les sorties des films. Ah, c'est super sympa ça, j'avais vu à Strasbourg, il y avait un club d'escrime, et ils aiment bien faire des spectacles avec des sabres laser et des costumes Star Wars, et ils avaient fait pour, je ne sais plus pour quel film, ils avaient fait comme ça devant l'UGC un spectacle de... Je pense que ça devait être pour The Last Jedi, parce que j'y étais avec une autre asso en costume, et il y avait des gens qui faisaient des mots de sabre laser dans l'UGC. Moi, je voulais revenir, avant de partir vraiment sur l'aspect social, c'était revenir un peu sur les costumes en eux-mêmes. Tu disais qu'il y avait des techniques qui faisaient mal. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, du coup? Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi précisément? Beaucoup de choses. En fait, disons que le matériau qu'on utilise en général, en tout cas la technique qu'on se fait passer un petit peu les uns aux autres, c'est qu'on recycle des panneaux publicitaires en PVC. Et donc, ces panneaux publicitaires en PVC, déjà, pour les découper, il faut y aller au cutter. Parfois, ils sont un petit peu solides et ça peut arriver qu'il y ait un cutter qui dérape. Ah. Et ensuite, pour former ces plaques, donc pour les déformer, pour qu'elles épousent un peu nos formes et qu'elles soient bien à notre taille, il faut les chauffer. Et donc, pour les chauffer, personnellement, en tout cas, j'y vais avec un décapeur thermique, donc ça chauffe vite à 300 degrés. Donc, on ne laisse pas les doigts trop longtemps, quoi. Oui, c'est hardcore un peu. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on s'entraide, pour se prêter un petit peu des méthodes et éviter de répéter les erreurs des... Toi, t'as fait que des trucs toi-même ou t'as déjà acheté des éléments déjà faits J'ai déjà acheté des éléments déjà faits, déjà pour une très bonne raison, c'est que j'ai essayé par 3 fois de faire moi-même un casque. Et si j'ai essayé 3 fois, c'est que ça a raté à chaque fois. Donc au final, je me suis dit, bon, peut-être finalement que je vais plus en économiser si j'en achète un qui sera bon. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis tranquille. Après, c'est un casque que tu as acheté à quelqu'un qui a refait le casque et qui fait les tirages, je veux dire. Mais non, enfin, je pense qu'on pensait surtout au fait qu'il y ait des... Il y a Anovos, par exemple, qui est une boîte qui a la licence, qui vend des choses officielles, des costumes tout faits. Ça, par contre, tu n'as jamais acheté ce genre de truc. Parce qu'il y a du coup des costumes entiers comme ça qui sont proposés sur ce site, par exemple, sur ce que fait Anovos. Et là, c'est vraiment licencié. Je ne sais pas comment c'est fait derrière. Mais après, voilà, il y a sur Etsy ou sur d'autres sites, il y a des fabricants qui proposent des petites choses comme ça qui sont faites de façon artisanale, quoi. Ouais, personnellement, je me suis jamais penchée vers des trucs style Anovos. Je sais que parfois, il y a des gens aussi qui achètent un casque qui est assez utilisé chez les Mandaloriens. C'est un Rubiz, un casque de Django qui est fait par Rubiz. Et avec un peu de travail, en fait, il peut être officialisable chez les Mandaloriens. Mais perso, je me penche plutôt effectivement vers des gens qui les fabriquent eux-mêmes en résine, sur Etsy. Mmh. Ou même carrément sur le forum des Mandos, on a carrément notre partie boutique sur le forum sur laquelle les membres des Mandalorian Mercs fabriquent leurs casques et leurs accessoires et les vendent aux autres. Est-ce qu'ils prennent les Datari républicaines? Non. Ça fera pas l'affaire. Ah merde. Ça fera pas l'affaire. Tant pis. Tant pis. Et du coup, t'en penses quoi, toi, des gens qui achètent un costume tout fait entièrement, alors que ce soit à un autre cosplayer ou sur un site comme Anovos, par exemple Moi, je pense que c'est des gens très riches. Oui, c'est pour les gens aisés de base. Mais... Ouais, en fait, s'ils ont les moyens, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, le souci que ça pose souvent, c'est que t'achètes quelque chose qui, souvent, en fait, est vendu en taille unique. Et du coup, tu dois retravailler dessus derrière pour qu'il soit bien à ta taille. Du coup, parfois, tu te retrouves finalement à faire presque autant de boulot que si tu l'avais fait toi-même, mais pour plus cher. Ouais, trop bien. Ouais, mais c'est officiel, attention. Ouais. Puis, quand même, j'imagine un petit côté, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais le côté sentimental du truc d'avoir fait soi-même que bah, tu pourras jamais reproduire en achetant un truc. Ouais. Pas la même fierté derrière, ouais. C'est... Ouais, ça c'est vrai que c'est assez différent. Après, t'as quand même des gens aussi qui vont te faire le costume sur mesure et tout, mais du coup, ce sera pas acheté à une entreprise, ce sera quelqu'un qui va te faire le costume sur mesure, parfois même aller jusqu'à te faire la peinture. Et là, il y a quand même des chances pour que t'aies un truc vraiment d'excellente qualité. Mais ça, justement, ça te dérange pas, toi ? Ou t'estimes qu'un cosplayer devrait faire lui-même tout son truc, ça fait partie de la démarche pardon, du cosplayer de faire soi-même un peu son costume ou ses costumes. Tu serais pas un peu élitiste toi? Pardon? Tu serais pas un peu élitiste toi aussi? Non, je pose des questions, je m'interroge. La France veut savoir. Je ne juge pas. Non, en fait, en général, personnellement, j'aime bien pousser les gens à fabriquer eux-mêmes parce que en fait, tu te rends compte en fabriquant les trucs que t'apprends pas mal de choses qui peuvent te resservir plus tard. Et puis, c'est toujours bien d'avoir un petit peu la main. C'est une partie du plaisir du truc bricoler, aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est aussi une partie du plaisir du truc parce que à la fin, tu te dis, waouh, j'ai fait ça moi-même, quoi. Mais il y a vraiment des gens parfois qui sont pas à l'aise avec l'idée de bricoler ou bien qui n'ont pas la place ou ce genre de choses. Et du coup, pour ce genre de choses-là, tant qu'ils prennent leurs pieds et qu'ils se font plaisir en portant le costume et en allant faire des sorties, ça ne me dérange pas qu'ils ne l'aient pas fabriqué eux-mêmes. Quoi. C'est vrai qu'il faut du temps et puis ne pas se blesser autant que moi. Ouais, et puis pour certains costumes, c'est vraiment très très très très difficile de le faire soi-même. Tout ce qui est Stormtrooper et tout, c'est extrêmement compliqué. Donc cela, je comprends vraiment à 100% que ce soit majoritairement des costumes qui sont achetés. Ça a toujours été compliqué, les Stormtrooper. Je regardais il y a quelques années, je regardais comment. C'était déjà compliqué de. Faut compter environ 1000 euros, il me semble, hein, pour un kit d'armure. C'est quelque chose qui ouais, est très ça vite, doit être quelque chose comme ça. Ça dépend de toute façon, ça dépend toujours de à quel endroit tu vas l'acheter, à qui, quel est le matériau utilisé, si c'est de la fibre de verre ou si c'est de l'ABS. Il y a vraiment plein de trucs qui jouent sur le prix final du costume. Et est-ce que tu trouves qu'en France, il y a des freins au cosplay, enfin, de façon générale, je veux dire, il me semble qu'il y a plein de matériaux qu'on ne trouve pas en France, ou alors que c'est difficile à trouver, ou alors que c'est beaucoup plus cher qu'en Amérique. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses comme ça qui freinent un peu les gens qui voudraient s'y mettre? Je pense que c'est en train de s'améliorer. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de mal à trouver des matériaux. Après, pour tout ce qui est des trucs très spécifiques, style résine ou silicone pour mouler, là, c'est compliqué de se fournir. Mais la majorité des gens ne vont pas se servir de ça. Moi, je sais que tout ce qui est la partie PVC, par exemple, que j'utilise pour mon costume, je peux aller me l'acheter dans des magasins de bricolage qui sont un peu partout. Donc ça va. Franchement, ça va. Je dirais plus les freins qu'il y a, c'est que les clubs sont relativement petits et communiquent assez peu à l'extérieur. Du coup, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est les trouver. Trouver les clubs ? Ouais, trouver les clubs. Parce que là, vous êtes. Vous êtes combien ? 200 ou 2000 ? J'ai un doute sur les mercs ça, en France. C'est beaucoup 1000, en France. 2500 environ, c'est dans le monde. Ah, ok. Mais en France, on est, en tout cas, en membre validé officiel, on est une quinzaine. Ok. Et vraiment réparti sur toute la France. Du coup. Bah, c'est ça que je me demandais. Est-ce que vous êtes surtout à Paris Je dirais qu'à Paris, on doit avoir peut-être un tiers ou la moitié de nos effectifs et le reste sont vraiment répartis un peu partout. On en a en Normandie, on en a en Bretagne, on en a dans l'Ouest, dans le Sud, et puis moi qui suis dans l'Est. Ok. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que justement, est-ce qu'il y a des restrictions Ça me fait rire. En fait, c'est les Bretons et forcément, j'ai plus Breton. J'ai pensé à un mec qui se balade avec son drapeau partout. Est-ce qu'il y a des restrictions sur des choses de la vie réelle? Genre, est-ce qu'un Breton peut avoir son patch drapeau breton sur son armure? C'est mort. Ça, c'est une bonne question, mais ouais, effectivement, ça c'est mort parce que. Bah parce que notre costume doit avoir l'air de pouvoir d'être in universe et donc de pouvoir apparaître dans un film, par exemple. Donc, tout ce qui est genre logo qui est reconnaissable, qui vienne soit d'un truc terrestre, soit d'un crossover, par exemple, si tu te mets un gros logo Judge Dredd, bah, tu vas pas passer, quoi. Après, il faut faire comme Coca-Cola. Tu retapes ton logo, tu le redesignes. On en repêche. Au pire, tu dis ouais. En vrai, si tu le fais assez subtilement, tu peux faire passer des trucs. Moi, je sais que sur un de mes accessoires, j'ai un logo. C'est un logo que j'ai repris de Jet Set Radio Future et que j'ai modifié en mettant des textes en orébèche dessus. Tu sais, tu ramènes ton drapeau breton et tu dis mais non, mais c'est pour la ça vient de la parade des drapeaux dans l'épisode 1 avant la course. Ah, la course. Il y a forcément un drapeau breton qui se cache quelque part. Bah, ouais, c'est ça. On est dans les drapeaux du château de Maze. Ouais, c'est ça. ouais, non, mais tu peux voir là. C'est complètement une univers. En plus, ça me fait penser à... Comment ça s'appelle So qui a le drapeau de sa planète natale dans le dos, donc tu peux carrément faire un cosplay où ta cape c'est ton drapeau breton et tu fais ouais je l'ai piqué à Maz. Vous voulez pas arrêter de leur filer des idées? Non mais j'ai pris des notes, c'est bon. Des idées. En plus après c'est moi qui vais voir les costumes passer. Quand elle devra valider 300 bretons comme ça qui vont venir avec un Gwenadou. Oh non, on a fait des crêpes. Faites-vous des caps, Faucon Millenial. Avec Boba Chouchen, t'as pas le faire. Mais attention, il n'y a pas le droit de boire quand on est en costume. Ah. C'est pour ça que bon, je ne ferai jamais de cosplay. Oui. Comme dirait ma famille, mais le cidre, c'est pas de l'alcool. Bon point. C'est du jus de pomme, il n'y a aucun souci. Je crois que tu as une imprimante 3D. Est-ce que tu penses que ça révolutionne un peu le cosplay, la création de props, d'accessoires en ce moment? Eh bien, la réponse est oui. Voilà, c'est tout. Ouais, non, ouais, voilà, c'est tout, c'est fini. Allez, ciao, à la prochaine. Il y a juste des tonnes d'accessoires que j'ai commencé à me faire et que j'aurais jamais pu faire, soit j'aurais beaucoup de difficultés à faire, soit j'aurais dû les acheter si j'avais pas eu d'imprimante 3D. Et en plus, la communauté qui va avec ça est assez prolifique. Donc, même que ce soit gratuitement ou en achetant des modèles 3D, on trouve vraiment des tonnes de choses pour pouvoir améliorer son costume. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une grosse avancée pour c'est le monde. C'est un gain de temps, d'argent général. Les deux ou... simplement un gain de faisabilité, même simplement. Enfin de... Ouais, je dirais plus un gain de faisabilité, parce que après l'imprimante elle-même a un coût, le matériau ça a un coût aussi, mais tu fais des choses que tu aurais juste pas pu faire sans ça. En fait. Mais comment alors tu après, fais du coup pour modéliser le truc pour pouvoir l'imprimer? Parce que ça doit être vachement compliqué, non? Pour avoir une idée de. Bah en fait, il y a des modèles qui sont déjà faits, qui sont trouvables sur des sites style Thingiverse ou bien que tu peux acheter sur des sites comme, comment il s'appelle, CG Trader. Et ensuite, la modélisation, c'est relativement abordable parce que, enfin, relativement, ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Moi je sais que par exemple j'avais pris des screenshots d'un blaster dans Star Wars The Old Republic, j'avais pris des screenshots de face, de haut, de côté, je l'ai mis dans mon logiciel de 3D et puis je l'ai refait avec plus ou moins de succès et ouais j'ai réussi à me faire un accessoire comme ça. Alors après, moi, je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'imprimantes 3D, mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui fantasment le truc qui va t'imprimer un truc parfait, c'est bon, c'est terminé. Il y a quand même un petit peu de boulot à faire à la fin pour polir ou, je ne sais pas, des petits détails que l'imprimante ne peut pas faire elle-même. Ouais, il y a même beaucoup de travail parce que l'imprimante, en fait, le fonctionnement, c'est que ça dépose des couches de plastique les unes sur les autres. Et du coup, bah, chaque couche, en fait, ça fait des stries. Parce que forcément, on voit que les couches sont superposées les unes sur les autres, sauf que bah, forcément, ton blaster dans Star Wars, lui, il est lisse, il n'a pas de stries. Donc, il y a beaucoup de travail de ponçage et de lissage de l'objet final pour avoir quelque chose de vraiment propre. Mais c'est bien, du coup, les Sith Troopers là, qui seront dans l'épisode 9, ils sont tous triés de partout. Ça va être parfait pour les cosplays. Faut faire les stries dans le bon sens. Merde. En vrai, celui-là, ça doit être l'enfer. Hein. Ceux qui sont mis dès qu'il a été annoncé en se disant je l'aurai, je vais aller voir le film déguisé comme ça. Ils doivent être en train de chier des ronds de chapeau, les mecs. Et puis en plus, c'est pas un bon plan de commencer à réaliser, à vendre des costumes sur des images promotionnelles. C'est un super mauvais plan. Je sais qu'il y a des gens, ils se sont retrouvés, genre pour Rogue One, à faire des armures de short trooper avant que le film soit sorti. Et au final, bah, leurs armures, elles n'étaient pas du tout approuvables parce que dans le film, c'était pareil que sur les images promo, quoi. Mmh. Pas faux. Il y en a, ils étaient déguisés en Zuvio et puis ben. Ok. Mais toi, tu connais d'autres gens du coup dans les Mercs qui utilisent des imprimantes 3D ? Ouais, bah en fait, c'est des potes à moi, justement, qui ont, eux, commencé à faire de l'impression 3D, qui m'ont motivé à en prendre une. Et puis, on a aussi quelques contacts, justement, un maker qui fait des armures complètes, vraiment des trucs de fou, genre armure de clone complète avec une finition extraordinaire. Et donc, lui, des imprimantes 3D, il en a plein. Et elles sont en train de tourner tout le temps parce que c'est son métier. Donc ouais. Là, cool. Vraiment, ça, c'est le genre de truc, quand on voit ce qu'il arrive à sortir, c'est sûr que ça donne envie, quoi. D'ailleurs, ça me fait marrer les gens qui font du cosplay des clones troopers parce que il n'y a pas un seul costume de clone qui a été fait pour les films. Et du coup, il y a plus de clones, enfin de cosplayers que de vrais clones qui ont été faits. je me demandais, est-ce que le monde du cosplay, si on peut dire, a réussi à suivre avec la postologie, à suivre vraiment le First Order, les nouvelles armures, les trucs comme ça, ou c'est resté un petit peu, ça a pris un peu de retard avant de suivre, parce qu'il me semble que c'est un problème plus complexe à faire. Enfin, les nouveaux costumes sont plus complexes que ce qui se faisait. Je sais pas si c'est tellement plus complexe que ça. Enfin, en tout cas, au niveau si c'est plus complexe au niveau des tenues en tissu qui sont en dessous des armures, mais les armures elles-mêmes sont pas vraiment plus complexes que celles des anciens Stormtroopers, par exemple. Je pensais qu'il y avait des formes difficiles ou des finis un peu plus durs à obtenir au niveau de la visière, ce genre de choses. Ouais, il y a des endroits, par exemple, je sais que sur les casques des troopers du First Order, t'as des textures un petit peu dans les parties noircies qui sont assez spéciales. Ça, c'est le genre de truc, justement, quand ils avaient commencé à sortir les premières images des troopers, il y avait quand même pas mal de personnes dans la communauté qui se sont vraiment penchées dessus tout de suite pour commencer à travailler dessus et à sortir quelque chose. Donc les gens ont quand même assez vite essayé de suivre le mouvement parce que la communauté de costumes Star Wars, c'est une communauté qui est quand même très très active. Donc dès qu'il y a un nouveau truc, il y a toujours quelqu'un qui va s'y mettre. Même des gens qui les ont pas aimés d'ailleurs. L'ironie. Ouais. Oh, tu me diras, il y a bien des gens qui se cosplayent en Boba Fett. Hein. Ouais, franchement, overrated quoi. C'est pas nous qui l'avons dit. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Non, mais tant mieux, non, mais comme ça sur Twitter, on pourra pas venir nous dire. Vous détruisez ce qu'aime Boba Fett. C'est pas nous qui l'avons dit. Bon, on va se calmer tout de suite. D'ailleurs, est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous dites. Est-ce que quand vous recevez des cosplays justement de personnages vraiment populaires. Enfin, je veux dire, vraiment connu, style Boba Fett, est-ce que vous dites, écoute, on en a déjà 15, tu vas peut-être faire autre chose ? Non. Non, bah, en plus, ce qui est marrant, c'est que chez les Mandalorian Mars, on a une immense majorité de costumes personnalisés, mais on a aussi des prérequis pour faire tous les personnages canons. Mmh. Du coup, vraiment, les listes, elles sont longues comme le bras, des trucs à respecter. Ouais, vous étiez très exigeant là-dessus, il me semble. Ouais, on est assez exigeant là-dessus. Mais du coup, on est vraiment content quand il y en a qui le font parce que, au final, on en a vraiment très peu comparé aux gens qui ont des costumes personnalisés. Mmh. Vous avez plus de Boba ou plus de Django? On a plus de Boba. Des Sabines, il y en a pas mal aussi, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu des Captain Phasma? J'en ai vu à QC, je crois. C'est ouf. Et j'en ai vu à Star Wars Célébration. Okay, ça brillait bien et tout. Les gens, ils les faisaient. La Célébration, ouais, ça brillait bien, ouais. Vous êtes allé à la Célébration? Ouais. Ok. C'est ça les vrais fans. Tu te souviens pas notre épisode sur la Célébration? Matt, il parlait d'un pote qui était à la Célébration. C'était Funeli. Ouais, non seulement j'ai été à la Célébration, mais en plus, justement, avec les Mandalorian Mercs, on avait eu notre petit laissez-passer pour voir la conférence des Mandalorian. Ça se la joue. Trop bien. En même temps, c'est logique. En vrai, ça a été super cool de leur part d'avoir géré ça, justement. Ça, c'était vraiment super cool. Ils nous ont même d'avoir été mis en avant comme ça. Favreau, il avait été briefé là-dessus aussi, je crois. Il avait dit quelques mots, là, je crois. De toute façon, en même temps, après, c'était difficile de nous rater parce qu'on a beaucoup hurlé dans la salle. On était tous dans le même coin. On avait nos casques. Du coup, on hurlait en levant nos casques en l'air. Bien. Et on a été interviewés pendant le pre-show, donc c'était difficile de nous louper. Sans changer de sujet, c'était bien du coup? Ouais. Un petit peu atteint. Ouais, franchement, j'ai la bonne grosse hype. Parce que c'est vrai que ce qu'on nous a montré, c'était vachement prometteur. On a vu plein de trucs, on a envie d'en voir plus. Ouais, j'ai hâte. Et donc tu disais que ce qui t'avait fait vraiment... ce qui t'avait vraiment donné l'envie du cosplay, c'était quand tu avais vu les Mandaloriens à une convention. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait rester, parce que comme on l'a dit au tout début, il y a d'autres groupes de cosplay, est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait rester, qui t'a fait vraiment choisir les Mandaloriens plutôt que les autres groupes? Un truc dans le style ou dans la philosophie des groupes? Déjà, à l'origine, c'est parce que j'étais moi-même très très fan des Mandaloriens. Et en fait, c'est pas grâce à Boba Fett ni grâce à Jango Fett, c'est parce que j'ai joué aux Knights of the Republic. Et c'est ces jeux-là qui m'ont fait adorer les Mandaloriens. Ce que j'ai trouvé cool quand je les ai vus, c'est que déjà, il n'y avait pas que des mecs. Dans le groupe, il y avait deux meufs. Alors du coup, déjà, je pouvais me projeter un peu plus dans le truc. Ensuite, j'ai été assez bien accueillie. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment le côté pouvoir faire son propre personnage que j'ai trouvé très, très cool. Ça, c'est assez unique. À part le Dark Empire, je crois, pour c'est comme une villainise, on peut dire ça comme ça. En Rebelle Légion, tu peux aussi, par exemple, quand tu fais un pilote ou un Jedi générique, t'as quand même. Quand tu fais un pilote, ta marge de customisation, c'est ton visage. et quand tu fais un Jedi, t'as un petit peu plus de liberté sur les tissus. Mais quand même, chez les Mando, c'est là où t'as le plus de liberté, je dirais. Et après, t'as effectivement The Dark Empire pour les sites, les contrebandiers et les chasseurs de primes entièrement custom. Et tu disais, là, dans le groupe, il y avait deux femmes. C'est pas courant. C'est souvent des Sausage Fest. Je pense que c'est des mecs de 40 ans qui... Ouais, il y a pas mal de darons dans les clubs Star Wars, quand même. Ah, quand même. C'est un petit peu ambiance bière saucisson, tu vois. Ils cachent le gros bit sous l'armure, c'est pour ça. C'est ramure de ouais, faut pas le dire trop fort, mais un peu, ouais. Là, tu l'as donc, dit. Donc, la moyenne d'âge est plutôt élevée. Quand je suis arrivée, la moyenne d'âge était assez élevée. Après, là, il y a eu pas mal de recrutements et on va dire de renouveau, entre guillemets. Du coup, là, on a beaucoup de, avec petits jeunes. Avec Disney ou avec Rebels? C'est pas spécifiquement avec Disney, c'est juste tout simplement nous, en fait, qui avons recruté activement, parce qu'avant, c'était quelque chose qu'on faisait pas trop dans notre clan. J'avoue qu'avant de te rencontrer, de toute façon, pour moi, il y avait la 501ème, vu que tu fais les Rebels, tout comme ça, mais c'était, je connaissais pas du tout les Mers, quoi. Ouais, c'est ça, bah forcément, quand t'as 15 personnes dans toute la France, c'est pas facile de faire connaître un groupe, quoi. Et vous avez aussi des personnes handicapées, parce que c'est vrai que quand on voit les défilés de la 501ème et tout, on a l'impression que y a pas beaucoup de gens avec un handicap. Je me souviens la fois où il y avait, tu m'en avais parlé en plus pour préparer l'émission, à un moment où ils avaient fait des cosplays de fauteuils roulants, par exemple, pour des enfants ouais, ça c'était vachement cool. Mais parmi les vaisseau. Adultes, est-ce qu'il y a des personnes handicapées qui osent venir rejoindre des clubs Il y en a, ouais, il y en a. Et d'ailleurs, de façon générale, il y a un truc dans les clubs qui est assez bien et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment un effort collectif pour que les gens n'abandonnent pas leur costume à cause de leur handicap. Parce qu'on est là pour les aider, pour trouver des solutions, pour pallier à certains problèmes. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a des gens très déterminés qui font des costumes excellents. Et donc, ouais, ça fait généralement très plaisir. Ouais, c'est cool. Et pareil, je me disais, par exemple, je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais la 501ème, est-ce que, par exemple, ils ont des tailles standards ? Ou par exemple, tu as des personnes de toute corpulence ou de toute taille. Parce que pour faire des stand-upers, est-ce qu'il faut avoir un physique particulier ou ils acceptent n'importe qui? Est-ce que Luc a le droit de se cosplayer en stand-trooper ou est-ce qu'ils vont lui dire non, t'es trop petit? Est-ce qu'il a le droit à Bigger Luc? chez la 501ème, je connais pas trop, je sais pas trop s'il y a des réglementations par rapport à ça. Après, je pense que c'est quand même relativement open. Chez les Mandaloriens, alors là, c'est zéro restriction, tu fais absolument comme tu veux et comme tu es. C'est propre aux mercs, enfin, c'est pas pour dire que les autres ils sont plus obtus là-dessus, mais les mercs, ils ont quoi, tu disais, ils ont 10 ans. Est-ce que c'est le fait que le club est aussi un peu jeune encore, qui fait qu'il ait une autre façon de voir les choses? Je pense pas que ce soit spécialement le fait que le club soit jeune. Après, les autres clubs, je sais pas exactement comment ils gèrent ce genre de choses. Je pense que chez la Rebelle Légion, ça doit être assez open aussi. Chez les Mercs, en tout cas, c'est surtout le côté, c'est le côté costume personnalisé. Vu que c'est ton propre personnage, au final, bah, tu fais ton personnage avec ta corpulence, avec ton physique. Voilà, il n'y a pas de frein. Donc, voilà, tu le fais vraiment comme tu as envie. Bah ouais, du coup c'est ça que je me demandais, parce que les Mandaloriens, c'est vu que c'est personnalisé, tu peux avoir de tout, mais par exemple pour les trucs genre ceux qui font des cosplays de clones, est-ce que ils se mettent des trucs genre pour respecter la... Mais c'est obligé d'être un clone pour voir. non mais je me demande, par exemple dans les parades tu vois rarement des gens qui sont vraiment beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands, donc je me demandais si c'était voulu ou si c'est juste qu'il y a pas ce genre de personnes disponibles à ce moment-là. Je pense qu'il doit y en avoir, mais en fait il y a un autre souci qui se pose aussi, c'est que c'est des costumes qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser. Ils sont très souvent fabriqués en taille unique. C'était ce que je disais tout à l'heure. Ouais, et souvent, les armures, c'est des kits que tu achètes c'est quelques ça. Fabricants. Et du coup, par exemple, si tu es plus grand ou si t'es plus grand, déjà, tu te retrouves plus grand ou avec une plus forte corpulence, tu dois rajouter des parties pour avoir la couverture nécessaire d'armure sur toi. Et si, à l'inverse, t'es plus petit, t'as plus de travail pour recouper l'armure, et il faut faire attention de ne pas recouper des parties qui sont essentielles pour être validées, en fait. C'est à cet endroit-là que l'impression 3D, c'est vraiment une bonne avancée, parce que ça peut te permettre d'avoir la pièce qui est directement complète et à ta taille. Parce qu'au lieu de leur faire faire tout des moules pour une taille précise, t'as juste à imprimer, enfin à modifier la pièce, elle l'imprime telle quelle. Parce que c'est sûr que là actuellement, je pense que quelqu'un qui s'habille en grande taille, les armures de Stormtrooper, il va pas en trouver beaucoup sur le marché, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que toi, tu es en train de te faire un droïde, c'est ça? Ouais, en fait, d'ailleurs, je me le suis fait. Enfin, c'est juste un petit droïde comme celui d'Iden Versio dans Battlefront. Donc c'est une espèce de petit droïde espion slash droïde sonde. Là pareil, il est pas totalement accurate parce que c'est un modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse qui correspond pas exactement à celui qu'il y a dans le jeu, mais il a un rendu vraiment très sympa, il est articulé, j'ai pu faire ma petite peinture personnalisée dessus, donc je suis assez contente du... Ok. Et du coup, il y en a d'autres qui se font des petits droïdes comme ça ou des petits accessoires un peu originaux ou c'est vraiment rare? Ouais, c'est en proportion, c'est relativement rare, mais il y a quand même un bon groupe de personnes. Après, déjà, t'as le club justement des R2-D2 Builders qui est spécialisé en fabrication de droïdes. Du coup, ils ont des modèles R2, ils ont des BB-8, des mouse droïdes, enfin plein de... C'est de la robotique. Vraiment, tout ce que tu peux trouver. Ouais, eux, c'est plus vraiment orienté robotique. Souvent, ils sont radiocommandés. Donc, ça donne des trucs assez vraiment très cool. D'ailleurs, pour tout ce qui est robotique, est-ce que les gens, ils se débrouillent un peu avec leurs connaissances pour faire eux-mêmes ou est-ce que, par exemple... Disney, tout ça, mettre à disposition des infos ou des plans sur comment construire ton propre BB-8, ton propre... RB-8. Alors, il n'y a pas d'infos ni de plans, mais par contre, les gens de ces clubs-là partagent les ressources entre eux et se servent parfois quand il y a des trucs du style des making-of. Bah, ils vont se servir en information là-dedans pour s'inspirer pour comment eux vont faire leur construction. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des systèmes pour des RDD2 et qui ensuite le dupliquent pour le revendre ou pour le partager avec les gens de la communauté. Ok. Matt, je sais que toi, tu voulais un peu parler des clubs. T'avais encore des trucs. J'ai vu que là, il y avait ça, là, ce que je... Ouais. Je ne sais pas comment tourner ma question. Alors du coup, Funeli, les groupes LGBT et féministes, on en parle ou pas? écoute, ouais, c'était carrément. ça fait partie des trucs, de toute façon, qui m'ont attiré vers ces clubs-là, de toute façon. C'est peu de temps après être arrivé dans le club, j'ai découvert qu'il y avait des groupes, entre autres sur Facebook, qui font un petit peu office de forum pour regrouper des communautés. Je sais qu'un exemple qui est assez intéressant, qui est l'un des plus anciens, c'est les Ladies of the Legends, où c'est juste un groupe pour regrouper toutes les personnes féminines et aussi non-binaires qui font partie des différents clubs de costumes. Dans plusieurs perspectives, du coup, c'est à la fois pour s'entraider sur des costumes, que ce soit pour des costumes de personnages féminins ou pour des personnes qui veulent faire un costume, par exemple, en cosplay, genre une meuf qui veut faire un Kylo Ren. Et c'est aussi pour faire avancer certaines problématiques qu'il y a parfois de sexisme au sein des groupes. Donc, par exemple, s'il y a des problèmes de sexisme dans une garnison de la 501, les gens peuvent en parler là-bas sans avoir peur de se prendre un retour de bâton et de s'entraider pour faire avancer les choses et régler le problème ensuite dans leur garnison. Et t'as déjà été confronté à ça, ce genre de mentalité sexiste et tout, des gens qui posent des problèmes là-dessus? Personnellement, j'ai eu peu de problèmes à ce niveau-là. Chez les Mandalorian Mercs, il y a assez peu ce problème. Il y a quelques mandos qui sont un petit peu ambiance bidas et genre « les mandos, c'est des vrais hommes ». Il y en a pas mal qui sont un peu comme ça, mais... C'est les gens masculins qui vont le remercier là. Voilà, c'est ouais. Ça, ils vont le Merlin et tout. C'est là-bas qu'ils font leurs costumes, en fait. Ils font la tronçonneuse en leurs plus, costumes. En plus, c'est vrai, c'est là-bas qu'on achète le plastique, mais faut pas le dire. Sauf que lui, il le découpe à la tronçonneuse, c'est des vrais mecs. Ouais. Avec une scie table. Ils arrosent à la bière pour pas que ça chauffe trop. Voilà, c'est ça. Et ouais, après, ils sont pas, on va dire qu'ils sont pas spécialement agressifs, c'est juste que c'est un petit peu parfois de l'humour à la retourne à la cuisine, tu vois. Mais ouais. pas aussi exagéré que ça, mais bon. Ouais. Et du coup, ouais, ce que j'ai plus eu finalement, c'est pas venant des gens du club, parfois c'est des petites remarques désagréables, vite fait homophobes, venant de personnes qui étaient plus autour de nous, parce que dans le clan mandalorien qui est en France, on a beaucoup, beaucoup de représentations LGBTQ+, et ouais, voilà, il y a peut-être 2-3 personnes qui ne s'appelaient pas trop, mais nous, en tout cas, on s'assume très bien comme ça. Et tant pis pour... Donc, tu es en train de dire que ça vient plutôt de gens... Alors, est-ce que c'est d'autres cosplayers qui sont dans d'autres groupes ou juste des gens qui je ne sais pas, pendant les conventions, qui sont purement des spectateurs? Bah, y a un peu des deux, en fait. Ok, ok. De toute façon, c'est souvent juste voilà, des personnes qui passent à côté, qui lâchent des petites remarques, mais c'est le genre de choses qu'on ne laisse pas passer. En général, si on les entend, ce qui nous est arrivé une fois, c'est juste qu'on a été dire à une personne, ce que tu viens de dire là, c'était pas correct. Donc, essaye de pas dire ce genre de choses-là à l'avenir, parce que nous, on est là pour se faire plaisir, toi aussi, t'es là pour te faire plaisir, donc on va essayer d'être tous sympas les uns avec les autres, quoi. T'as tous les gens habillés en mandalorien qui arrivent en slow motion, tu sais. Ah, ils font plus les malins, là. Et tu lui mets le blaster contre la tempe. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit, là? T'as un Et problème. Il est pas fait. Ouais, c'est ça. En plus, on a une tourelle. Ouais, c'est vrai. Parfait. Ouais. Puis au pire, ça tire pas, mais la crosse, ça fait mal. Si, la tourelle, ouais. Elle tire. Ah, carrément. Et du coup, ces clubs interclubs, c'est ça, c'est des clubs de gens qui se trouvent déjà dans d'autres clubs, qui en font partie. Il y a vraiment une portée militante, comme tu disais tout à l'heure, d'essayer de faire avancer les choses dans les clubs, mais au-delà aussi, en dehors des clubs, où c'est des clubs uniquement internes, implicites, qui gèrent surtout, qui essaient de faire avancer les choses au sein des clubs uniquement. Les groupes qu'on a, type les Disasters of Legends et d'autres groupes qui sont plus orientés LGBTQ, ceux-là sont surtout orientés pour les gens qui sont dans les clubs actuellement, parce qu'on commence par faire bouger les choses à l'intérieur de nos structures, et c'est déjà un bon point de départ. Mais après, on se sert aussi de ces plateformes-là pour organiser des sorties, style aller à des Pride Parade, quoi. Genre, surtout aux États-Unis, ça se fait. Il y a des clubs Star Wars qui vont dans les défilés de Pride. Donc ça, c'est déjà assez cool comme effort militant. Ouais. Et en plus de ça, on a aussi souvent des ventes de goodies, genre des patchs ou des pins, qu'on va vendre et ensuite on va reverser les fonds à des assos d'aide. Toi, t'en faisais d'ailleurs des trucs la dernière fois, je crois, par rapport à ça. Moi j'avais juste fait un petit design de sticker pour le fun, mais je l'ai pas encore fait imprimer. Mais sinon, chez les Mandalorian Mercs, je fais partie de l'équipe qui produit des visuels, et ça m'est déjà arrivé de devoir faire par exemple un design de patch pour récolter des fonds pour un membre de la famille de quelqu'un du club qui était malade, par exemple. Ça, c'est le genre de choses, en fait c'est très dans la mentalité américaine, qui est de faire des espèces de cagnottes pour aider et soutenir les gens, et ça passe souvent par faire des goodies qu'on va vendre, et ensuite on va reverser les fonds qu'on a eus grâce à ça. C'est leur sécu à eux, c'est un concept. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ok. Mais du coup, par rapport au club, la dernière fois, enfin, c'était il y a un bout de temps déjà, mais il y avait une espèce d'histoire comme quoi il y avait une espèce de conseil des clubs ou un truc comme ça, c'est ça? C'est quoi cette histoire? Ouais, alors ça, c'est ça s'appelle le Galactic Senate. En plus, j'avais ouvert une page quelque part. Ouais, je l'ai retrouvée. En fait, le Galactic Senate, c'était une, enfin, c'est toujours, parce que ça existe toujours, une sorte d'alliance entre les clubs Star Wars. Donc, dedans, il y a la Rebelle Légion, les Mandalorian Mercs, la Cyber Guild, The Dark Empire, les Droid Builders, la Galactic Academy. Donc, la Galactic Academy, ça, c'est un club qui est pour les enfants, en fait. Donc, c'est assez fun. Et donc, il y avait la 501e qui était dedans, mais il y a quelques semaines, je crois que c'est quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas trop à quelle vitesse le temps passe, mais ouais, ils ont fait un vote pour sortir de ce groupe-là parce que, je sais pas, eux-mêmes estimaient ne pas en avoir besoin. Mais ils faisaient quoi ce groupe, en fait, enfin, ce conseil En fait, c'était un conseil qui était constitué de personnes qui font un peu tous partie des leaderships des différents clubs et qui permettaient de coordonner certaines actions. Ce que le Galactic Senate a fait, par exemple, c'était que à la célébration de cette année, il y avait un grand espace où les clubs étaient tous trouvables au même endroit. Bon, ils avaient tous leurs stands séparés, mais il y avait des espaces d'exposition qui étaient communs, et on était tous vraiment dans une certaine ère, donc on était vraiment regroupés, c'était facile de nous trouver. Tu voulais aller voir les clubs, tu allais vraiment dans un seul endroit, et tu avais tout dans un seul hall, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, il y avait tout qui était dans le même hall, il y avait des espaces d'exposition qui étaient partagés, il y avait aussi un petit vestiaire slash de salle de repos qui était partagé aussi. Enfin, vraiment, ça permettait de rapprocher les clubs entre eux, en fait. Et c'était ça, surtout, le but principal, c'était de nous rapprocher, de nous faire nous entraider. Ouais, parce que c'est bête de faire les choses chacun dans son coin. Quand, oui, voilà, c'est ça. Quand le but final est le même, globalement. Surtout que certains clubs sont vraiment beaucoup plus petits. Quand tu compares, par exemple, en France, la 501e... c'est environ 300 costumes validés. Alors qu'en France, les Mandalorian Mercs, c'est 15 costumes validés. Du coup, forcément, quand on a un peu le soutien et l'entraide avec les clubs qui sont plus gros, bah, c'est toujours plus cool, quoi. Et donc là, tu disais que les 501e, ils ont décidé de faire vendre à part. Ouais, voilà, c'est ça. Honnêtement, je connais pas exactement leur raison. Je suppose que c'est parce que eux estimaient ne pas avoir besoin de ce groupe-là. Pour gérer, ouais, voilà, c'est ça, que eux préféraient se gérer eux-mêmes tout seuls, en fait, surtout. Ouais. Ils aimaient pas. Je pense que c'était en partie parce qu'ils aimaient pas avoir des personnes d'autres clubs qui soient au-dessus d'eux, entre guillemets. Vous voyez ça comme de l'ingérence. Ouais, voilà, c'est ça, qui puissent influer sur leurs décisions. C'est un peu dommage. Mais il y avait une contrepartie financière de la part des clubs pour que ça les gêne comme ça? Non, il n'y avait pas de contrepartie financière, non. Après, ça dépend vraiment des localités, parce qu'il y a déjà certaines régions où en fait ça coopère entre les clubs, où les clubs s'invitent les uns les autres sur des sorties, où ça se passe très bien. Et il y a certaines régions où il y a plus une espèce de... De grosses séparations entre les clubs, ouais, un peu de compétition, c'est ça. En France, c'est quoi? C'est la compète ou c'est l'entraide? En France, c'est plutôt que les autres clubs sont pratiquement éclipsés, en fait, par la 501e. Du coup, c'est un petit peu plus difficile pour nous de nous faire remarquer de façon générale. Mais je désespère pas parce que je vois qu'on est en train d'intéresser des événements et qu'on se fait inviter, donc... Donc c'est qu'on commence à prendre un petit peu de poids, quoi. Bah, il y a une petite série qui arrive qui va vous aider un petit peu. Ouais, carrément. Puis en plus, quelque part... Ça, je l'attends, ouais. Le fait d'être 15, est-ce que ça fait pas que les gens se sentent vraiment impliqués parce que finalement, tu connais tout le monde, alors que si t'es 300, tu te dis, bon, bah, je vais pas faire cet événement, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera à ma place. Ouais, il y a de ça. Bah, en fait, là, actuellement, on est vraiment plus comme une petite famille, en fait. Donc tout le monde se connaît, c'est vraiment globalement très sympa. Après, tout le monde ne s'apprécie pas forcément, parce que ça, c'est la vie. Mais globalement, comparé, on va dire que par membre, c'est vrai qu'on a plus d'activités. Parce que forcément, il y a des personnes à la 501e, bah, quand tu es 300, tu vas faire une sortie par an pour rester officiel, mais tu ne vas pas nécessairement en faire plus. Tandis que c'est vrai, nous, vu qu'on est assez peu, on essaye de récupérer le maximum de représentations et d'être le plus actif possible par rapport à notre taille. Mais au pire, de toute façon, la 501e, s'ils sont trop nombreux, vous les éliminez un par un, au bout d'un moment, vous allez finir par les dépasser. Hein. Vous êtes des chasseurs de primes ou pas, en plus? Nous, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est un Mandalorien vaut 10 Stormtroopers. Et puis, on se planque dans un coin, on les attend. Et ensuite, quand on les a eus, on sort, on dit un Mandalorien vaut 100 Stormtroopers. Puis, on se planque et on les attend. Pas con. Un truc que je me demandais, là, comme ça, quand je pense costume et tout, est-ce que... Alors, moi, j'ai surtout entendu parler de ça pour plutôt les trucs théoriques fantasy, mais est-ce que ça se fait, le GN, avec les costumes de Mandalorian ou de Stormtrooper? GN, c'est grandeur nature, pour ceux qui savent pas. Hein, alors, c'est compliqué, parce que, bah, honnêtement, je vois assez mal un Stormtrooper faire du GN, parce que la plupart du temps, un Stormtrooper, il peut déjà pas s'asseoir. Donc, pas avec des costumes, on va dire pas avec des costumes en l'état validés par la 501e. Je sais qu'il y a des GN Star Wars qui existent. Apparemment, il y en a même un qui s'est déroulé il y a quelques années dans un sous-marin. Mais par contre, ouais, ça, c'est assez stylé. Mais au niveau des costumes, il faut vraiment le concevoir pour le GN, parce que, après, ça dépend du type de GN, mais s'il commence à y avoir de la bagarre ou des tirs style appui d'airsoft ou des trucs comme ça, ça devient vite compliqué, quoi. Moi, je sais que mes costumes, je peux m'asseoir, je peux m'allonger, je peux ramper avec, mais je ne m'amuserai pas à faire un plongeon roulade. C'est pas compliqué, là, non, pour aller aux toilettes, je me demande. En fait, la meilleure stratégie pour ça, c'est tu mets ton costume et tu... ouais, déjà, tu y vas avant, et puis ensuite, tu transpires suffisamment pour ne pas avoir besoin d'y aller. C'est un peu violent, mais si ça marche. C'est l'école mandalorienne, ça. En tout cas, ça m'est jamais arrivé pour le moment de devoir enlever mon costume pour aller aux toilettes. Après, j'ai l'avantage sur mes deux costumes d'avoir une séparation entre le haut de la combinaison et le bas. Du coup, je peux relativement facilement enlever ce que j'ai à la ceinture pour aller aux toilettes, mais ça m'est encore jamais arrivé. Parce qu'il me semble que c'est une fly, c'est une combi complète, normalement, ce qui est demandé chez les Mercs. Enfin... Ouais, c'est une combi complète, mais tu peux, entre guillemets, tricher si tu fais en sorte que le haut et le bas, on a l'impression que c'est une seule pièce, et que la jointure au milieu, c'est par exemple couvert par une... Ouais, c'est peut-être plus sage de faire un petit sacrifice comme ça. Mais au final, ouais. Est-ce que c'est pas plus simple de faire un cosplay de vieux contrebandier à la con? Lui, au moins, il a un pantalon qu'il peut enlever. Écoute, c'est peut-être plus simple, mais tu peux pas te contenter de, tu sais, de te tenir debout et quand les gens passent devant toi, tu sais, tu hoches la tête d'un air mystérieux. Ça, tu peux pas le faire quand t'es juste en contrebandier, tu vois. Non, bah justement, c'est pour ça que Anne, il passe son temps à dire son nom et ses faits d'armes, tu sais, et comme il a qu'un seul fait d'armes, bon, bah c'est toujours le Kessaron, mais en vrai, le mec, à la base, il voulait être Mandalo, rien, mais il... il avait pas la tenue et tout, et bon, ouais, salut, c'est trop cher, je suis le capitaine. Il a fait un cosplay placard. je pense au GN rapidement, GN et cosplay, ça me fait penser, Galaxy's Edge, c'est un rêve humide, du coup, c'est... Enfin, c'est... Non mais où? Non mais... ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas y aller en armure. Ouais. Ah, ça a été dit, ça? Ouais, ils ont publié... Même nous, on l'a dit dans l'épisode qu'on a fait dessus. J'allais dire, il écoute pas nos épisodes, le mec. Ils ont même publié des guidelines sur lesquels t'as des photos, genre de ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est pas ok. Du coup, genre les armures, c'est non, les trucs style cap, bure, qui sont trop amples, genre tu pourrais cacher des trucs dessus, ça c'est non. Mais tout ce qui est style tenue de contrebandier ou tenue de Jedi, mais un peu plus près du corps, style les tenues de Rey, ça, par exemple, ça passe. Ouais. Mmh. Du coup, Matt, le rêve humide, voilà. Ah, c'est pas, ouais, c'est pas terrible. Bah, du coup, ça veut dire que je vais me faire un autre costume pour y aller, c'est tout. un qui suit les règles. Et les trucs sur la tronche, genre le casque, non. Ça, non, je pense que non. Ok, ouais. t'y vas habiller normalement, mais juste avec ton casque de Mando. Ouais. Avec un masque d'alien. Là, mon rêve en ce moment, c'est de me faire un costume de Rodien, mais du coup, voilà quoi, faut avoir le masque et faut avoir les gants aussi parce qu'ils ont les doigts avec les formes de ventouses au bout. Puis le masque avec le soleil de Californie, ouais, faut peut-être mieux pas finalement. Ouais, ça c'est finalement c'est pas plus mal que ce soit pas autorisé. Bah, je veux dire, même les membres du cast là-bas, ils ont pas de. Enfin, ils ont des costumes assez légers quand même. Hein. Et au fait, c'est pas sauf les trompeurs. En France, c'est que bah, tant pis pour eux. Avec les règles de sécurité, J-Pirate, tout ça, en événement, c'est pas trop compliqué d'avoir une armure avec des flingues et ça passe. En fait, déjà, généralement, quand on vient en tant qu'exposant, on n'a aucun souci. Parce que c'est la convention qui nous a invités et du coup soit on n'est pas fouillé du tout, soit on nous regarde passer vite fait et forcément quand on ressemble à des Power Rangers on nous laisse passer. Après la plupart du temps en fait c'est des événements qui nous invitent, du coup on n'a vraiment pas de soucis. Par exemple ce que j'ai fait l'an dernier, c'était carrément une sortie en costume à la foire européenne de Strasbourg. Et là, du coup, c'est vraiment le genre d'événement qui est assez contrôlé au niveau, je pense qu'il doit y avoir des fouilles ou des trucs comme ça aux entrées. Mais nous, vu que c'est l'organisation qui nous fait venir, en fait, on n'a pas de soucis, quoi. Ah, vous avez un pass, un passé, un truc comme ça, quoi. C'est ça, on a un petit badge. Il me semblait que j'avais vu quelque part. Alors peut-être que c'est uniquement pour les armes qui sont d'airsoft, genre qui reproduisent des vraies armes, mais ils disent pas il faut que c'est un bout de couleur ou un truc comme ça. Ça dépend des salons, mais effectivement, il y a certains salons, soit ils vont te faire mettre le bout orange sur l'arme, soit en fait ils font des contrôles de sécurité et ils te mettent une espèce de petit un serflex orange quelque part sur le prop pour pouvoir dire celui-là on l'a vérifié, il est bon. Donc quitte à faire, autant se faire un flingue orange comme ça on ouais, si le truc est pas réaliste du tout dès le départ, en général il n'y a pas de souci. Ok. Je sais que, du coup, là, je vais me retourner vers Matt. Je sais que il y en a parmi nous qui ont commencé à essayer de faire du cosplay, c'est ça ? Alors, en vrai, pour la sortie d'épisode 3, déjà, je m'étais fait un costume, si on peut dire vite fait, de Jedi. Padawan, je me trouve su. Avec mon meilleur ami, à l'époque, on avait fait ça à deux pour la sortie. J'ai bricolé des sabres, c'est une catastrophe, c'était moche. et là, forcément, à force de discuter avec Funeli, tout ça, ça donne envie de s'y remettre, de retenter le truc, donc ouais, pourquoi pas. Allez, viens. viens, on est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres ici, du coup, que ça intéresserait de faire du cosplay Moi, j'ai envie de me déguiser, donc... ouais, mais du coup, tu voudrais te déguiser en quoi? J'espère pas en... C'est vrai qu'on manque de plaisir. En Kylo Ren. Moi perso, là, c'est vrai que j'avais surtout entendu parler à 501ème, mais là, en écoutant un peu plus tout ce qu'il y avait autour, c'est vrai que le truc style le Dark Empire, ça pourrait être rigolo, parce que c'est vrai que je me vois pas commencer à chauffer les plaques et à me faire des armures et tout, mais la possibilité, voilà, éventuellement, si je devais le faire, je m'entendrais plus vers un truc où on a un peu de liberté de création, donc finalement, ce serait sûrement celui-là. Après, il y a un truc... c'est que le Dark Empire est genre quasiment pas présent du tout en France. En revanche, il y a des associations qui sont en général plus locales qui font ce genre de choses. Après, que ce soit en France ou ailleurs, ceci dit, ça dépend du pays. Ouais. Moi, comme je suis au Canada, au Canada, doit y en avoir, ouais, je pense. Ouais, juste à côté des États-Unis, on est peut-être plus influencé. Mais c'est vrai que... Si je devais le faire, ce serait peut-être ça, mais ça a l'air de demander quand même une tonne de boulot et potentiellement de pognon, donc je ne suis pas tout à fait certain, honnêtement. Voilà, j'aime bien, j'adore, franchement, je trouve ça super génial, de voir le boulot des autres, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui... J'ai tellement de trucs à faire à côté que voilà, si je me rajoute ça encore, je vais encore rien faire et me dire « Putain, j'arrive jamais à finir mes projets. » Ouais, moi, j'avoue, j'aimerais bien faire des personnages originaux, en fait. Mais je sais pas si je le ferai un jour, parce que pareil, argent, temps... Le fait de jamais rien finir de ce que je commence. Ou alors tu peux faire comme moi. En plus, toi, t'as pas mon problème à moi de... Enfin, toi, t'as déjà un corps qui te convient en termes de corpulence. Moi, je vais commencer à faire de l'exercice. Et puis comme ça, ben, je vais cosplayer l'univers alternatif Ben Solo contrebandier dans la vraie vie, parce que tout le monde me dit que je ressemble à Adam Driver en gros. Du coup, je vais essayer de ressembler à Adam Driver en pas gros. Enfin. Mais je me suis déjà acheté la veste de contrebandier. C'est vrai. D'ailleurs, Matt était très jaloux. Oui. Je suis très jaloux. Mais c'est lui le capitaine, alors. Ouais, c'est moi le capitaine. Voilà. Moi, j'ai des chaussures Kylo Ren. Du coup, est-ce que les gens dans Star Wars font du cosplay? Enfin, à part Django qui a fait du cosplay de Boba Fett. Attends. le pire, c'est que je pense que ça doit exister, parce que je suis sûre qu'il doit y avoir dans le Legends, genre, il y a un comic dans lequel il y a un mec qui se fait passer pour Boba Fett. Il y a sûrement un comic, c'est un peu méta ou un truc comme ça. Ouais, qui... En fait, il y en a même un où c'est un mec qui arrive à piquer l'armure de Boba Fett et qui se fait passer pour lui. Et après, t'as genre Boba Fett en peignoir de bain qui lui défonce la gueule. T'es sérieux, mec? C'est le club de Snoke, tu sais. Ok, je retire tout ce que j'ai dit sur le Legend, c'est trop bien. Déjà, t'as parce qu'on a déjà Luke qui fait du modélisme. Donc pourquoi pas. Il pique sa veste. Ouais. T'as Kylo qui fait un cosplay d'Adam Driver. Tu sais, l'image où il est torse à poil avec sa chèvre, sauf que là, pour moi, il n'y a pas de chèvre. Hein. Bah oui, quelque part, de toute façon, Kylo, c'est bien. C'est un cosplay de Dark Vador. Voilà, j'allais dire. Et Kylo, il a déjà fait un cosplay de technicien radar, je vous rappelle. Ah, oui, c'est vrai. Faux, pas faux. Complètement canon, on est tous d'accord. Oui. Ouais. Ok. Tout ce canon dans le cœur. D'ailleurs, il y a même des gens qui font le cosplay de Matt. Il y a même un gars qui faisait le cosplay de Matt le Radar Technician qui s'est fait peigner par l'équipe de... Ah, je l'ai vu, ça. Du Star Wars Show. Voilà. D'ailleurs, dans l'équipe du Star Wars Show, il y a le club qui est offert... Enfin, les Mandalorian Mercs sont offerts une armure. Ah ouais. Ils ont offert une armure à des membres du Star Wars Show. Ouais. Classe. Mmh. Bah, dis donc. C'est un bon boulot, hein. C'est... DJ Finn et Rose qui font du cosplay d'officier. Ouais. Et puis, les autres qui font du cosplay de Stormtrooper. Justement, un truc que je me demandais, tiens, genre t'es pas un peu petit. Est-ce que ça s'est déjà fait des gens qui utilisent des trucs, j'ai oublié comment on appelle ça, des objets issus des films pour mettre ça dans leur costume. Des objets issus des films, c'est-à-dire des armures vraiment issues du film ou des vrais accessoires ou des vrais costumes. Des vrais accessoires, ouais, des trucs issus des costumes en fait, des costumes de films. C'est vrai que ça coûtait tellement cher, à mon avis, que... Ouais, je pense que c'est plus le genre de truc genre qui reste dans une collection, quoi. Mmh. Ok, ouais. Après, c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent, genre, tu sais, de la régie ou des trucs comme ça, qui récupèrent des costumes, mais je pense pas que ce soit réutilisé, à part dans le cas des membres de la 501e qui ont été appelés sur le tournage de The Mandalorian. Ah oui, c'est vrai. Eux, ah, du coup, techniquement, c'est, cool. C'est l'inverse. C'est leur costume à eux qui est devenu screen accurate, hein, et qui est devenu un accessoire. Trop bien. D'ailleurs, quel est l'avis de Pigeon Gratuit là-dessus? Est-ce que quelqu'un est au courant? On l'emmerde. On ne sait pas s'ils ont été. Désolé. Shot c'est sorti tout seul. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples de ça, justement, que ça va dans l'autre sens, qu'ils prennent des cosplayers pour faire de la figuration? Pas que je sache. En tout cas, y a juste ce cas-là pour lequel je suis au courant, mais sinon, honnêtement, je crois pas. En même temps, déjà, pour les séries animées, c'est difficile. Pas faux, ouais. Oh, et d'ailleurs, est-ce que ça se fait des... Je n'ai pas regardé des gens qui essayent, parce que justement, le style est un peu différent. Il y a des gens qui essaient de se faire des armures, enfin, c'est sûrement surtout un truc de 500e, de se faire des armures de clones ou de personnages dans un style un petit peu cartoon, justement, avec les courbes un peu différentes pour imiter le style des dans le style animées. Rebels, dans le style Ouais, il y en a. Ah, c'est bien ça. J'ai vu des gens qui faisaient des armures comme ça. Je sais qu'entre autres, j'ai vu passer des armures style les Scout Troopers version Rebels. Ah, nice. Puis après, je pense que de façon générale, ça doit surtout être les clones qu'on doit voir passer en version Clone Wars. Et les Ahsoka version Rebels. Oh là là, les Ahsoka version Rebels, j'en ai vu qui étaient tellement bien. Ouais. Bah, vaut mieux la version Rebels que la version Clone Wars. C'est moins le malaise. C'est ça. Moi, je vais faire un cosplay du mec, du héros de Fallen Order. Je vais juste m'habiller normalement. N'oublie pas de faire la tronche et ouais. D'avoir zéro charisme. Ouais, trop facile ça. Bon, et ça commence à devenir violent dans ce podcast. Je propose qu'on arrête là. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Est-ce qu'il y a des dernières questions à poser ou pas? Pour moi, j'ai fait le tour. On refera peut-être un autre épisode dans quelques mois, mais pour moi, c'est bon. Le prochain épisode, ce sera toi qui seras en cosplay. Au prochain épisode, j'aurai recruté tout le monde. Oui. On va renommer le podcast, d'ailleurs. On va l'appeler Une Mandalorien. Ça, c'est un bon jeu de mots. Yes, je l'ai casé. Il l'avait dit en plus, il l'avait dit avant. Là, en même temps, c'était le dernier moment. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Hein. Bah, du coup, j'avais une anecdote assez marrante par rapport aux fabrications des costumes. C'est qu'il y a plusieurs personnes dans le club des Mandaloriens qui ont des espèces de boosters, des thrusters à l'arrière de leur plaque dorsale. Et bah en fait, ces boosters-là, ils les ont fabriqués avec des supports de balais à chiottes. J'imagine trop, quand même. Est-ce qu'on peut dire que Boba Fouette, du coup... Il a réussi à le caser, quoi. Et Franky, sa patin, alors. Mais en fait, le truc, c'est que ça marche trop bien, en fait. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait marcher mieux que ça pour faire des boosters. En plus, ceux-là, ils sont genre un petit peu en angle. Du coup, ils sont genre à 45 degrés et franchement, ça rend méga bien. Et bon, après, quand tu sais ce que c'est... Même quand tu sais ce que c'est, en fait, ça rend toujours bien. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est quoi? C'est le récipient où il y a toujours un petit peu d'eau et de caca? Ou c'est... Ben, je crois, oui. C'est ça, ouais. Oui, le truc qui tient la brosse. Ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Et du coup, ils ont dû en prendre des un peu longs, non? Parce qu'il y en a qui sont tout petits, qui ressemblent à des gamelles pour chiens. En... faudrait qu'ils enfilent le modèle, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, faudrait que je retrouve la référence. Alors c'est le Jacob Delafont V25. En fait, c'est des modèles qui sont faits pour être mis, genre, tu vois, au coin du mur. Alors du coup, ils sont un peu en angle. Et bah, du coup, c'est 8€ chez Casto, je sais pas. Ah ouais, non, c'est... Ça, c'est la version pour les vrais bonhommes. Tu sais, les mecs, ils l'ont pris à Brico Dépôt, ils déconnent pas. Ah ouais, non, la créativité au top, là. Je veux dire, les mecs, ils ont de l'imagination. Hein, imagine, le mec, ça fait 3 heures qu'il tourne dans le magasin, dans Brico Dépôt, et il voit ça, il fait « Hey, mais attends !» Il y a plein de conneries comme ça. Hein. C'était quand il y a 2 jours, j'étais chez une pote. Elle était en train de se fabriquer ses bottes et ce qu'elle collait sur les côtés de ses accessoires, c'était des bouchons de pompote. mais oui. T'imagines les gars qui ont acheté les trucs de balai à chiottes, j'imagine qu'ils en ont plusieurs par costume, donc ils passent en caisse avec leurs 4 roses à chiottes et le support. Non mais ne vous inquiétez pas, c'est pour offrir à des amis. Je comprends pas. Il y a 8 même fois qui viennent de passer à la caisse avec des supports de balai à chiottes, c'est trop bizarre. Ok. Est-ce que c'est bon? Bah pour moi, c'est bon. Ok. Funeli, est-ce qu'il y a quelque part où on peut te retrouver sur Internet ou des sites que tu voudrais partager? Alors, on peut me retrouver sur Internet parce que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Funeli aussi, du coup. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi un compte Twitter, mais j'ai beaucoup de bêtises dessus. Mon compte Twitter, c'est 100JB. Genre 100 comme le chiffre et J-I-B-I-E. Et voilà. Oui, d'ailleurs, magnifique dab qui vient d'être posté aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Mais... je pense sur l'Instagram, vous allez retrouver tout ce qu'elle fait, surtout. Hein, les costumes, ouais, les armures, les droïdes. Et il y a des dabs aussi sur l'Instagram. Il y a des dabs, c'est encore mieux. Franchement, ma photo avec le plus de likes, c'est un dab avec deux autres Mandaloriennes qui sont très très cool et qui a été prise à célébration. Yes. Je suis en train de regarder, c'est trop trop classe. Non, c'est vrai, franchement, c'est ouf. Voilà, et des sites que tu voudrais partager ou pas, où les gens peuvent aller se faire voir S'il y a des gens que ça intéresse, les Mandaloriens par exemple, je peux les encourager à aller voir mandalorianmerx.org, qui est le site de notre club. Et puis c'est déjà bien. En tout cas, c'est là-bas qu'on peut retrouver le forum et tout ce qui est les requis en fait pour faire les costumes. Commencez par là. Commencez par là. On mettra les liens, je pense, sur Twitter. Exactement. Merci à toi, Funeli. Nous, on peut nous retrouver comme d'habitude sur Twitter @fauconpod, tout attaché. Et sur Facebook et sur iTunes, comme dirait Xenute, qu'est-ce que les gens doivent faire sur iTunes? Lâcher des coms. Non, je sais même pas si on en a. En fait, je sais pas si nous lâchent des alertes pour nous dire si on en a reçu. Mais en tout cas, voilà, les commentaires, les étoiles, tout ça. Hein, soyez honnêtes. Ça fait plaisir. Voilà. Mettez dans des mandales. Ou rien. Et que la force soit avec vous. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut. Prends ta pelle et ton seau et va jouer.